Auditrice, amis auditeurs, vous êtes bien à l'écoute, oui, à l'écoute de RGM, 107 MHz, Radio Guémozo, c'est le nom qu'elle porte depuis quelques années. Avant, c'était Radio Trait d'Union, c'est bien aussi un Trait d'Union, hein? Ah oui? Et puis, voilà, alors, ce soir, nous sommes le 19 juin, le programme, eh bien, le calendrier, bien sûr. Ensuite, Bruno Charéron du CRIRAD nous parlera de la mine au combustible nucléaire et pollution et impact. Ensuite, Clément Viktorovitch nous d'où vient la légitimité des conventions citoyennes. France Insoumise, comme Janus, la Macronie a deux visages par Adrien Clouet. Janus, c'est le mois de janvier, vous savez. Un visage tourné vers l'année nouvelle et un visage tourné vers l'année passée. Et oui, le temps passe. Jean-Luc Mélenchon, sommes-nous encore en République? Ah, ça, c'est une question qu'on doit se poser. La dérive mafieuse de la Macronie, par Mathilde Panot. Voler deux ans de vie. Mathilde Panot, encore elle, vous êtes en sursis. Mola, Sophie Aram, Mola 2-0, le billet de Sophie Aram, hein, qui parlera entre autres choses de l'intelligence artificielle. Pas si artificielle que ça, la vraie intelligence. L'autre, l'intelligence dite naturelle, elle est peut-être pas si intelligente qu'on pense. Hein. Si on voit le nombre de morts, dû à des guerres, par exemple, on peut se poser des questions sur l'intelligence humaine, c'est-à-dire sur le fonctionnement du cerveau humain. Il est très performant, le cerveau humain, mais, voilà, vous mettrez ce que vous voulez derrière ce « mais ». Réforme des retraites, c'était il y a 70 ans. Retraite, Dominique Moll affiche Pap Ndiaye et Macron, et puis Ho Chi Minh, Dieppe, Truman, Paris, la guerre d'Indochine, hein. Mort au travail en France. Et puis, ce sera tout pour ce soir, hein. Oui, c'est déjà pas mal, hein. 2 heures comme ça, 2 heures à écouter, à réfléchir. C'est peut-être beaucoup quand même, hein. Vous trouvez pas? Oh, allez. Téléphonez à la radio pour dire, hein. Dites ce que vous en pensez. Est-ce que ça vaut la peine de continuer? Est-ce que ça vaut la peine? Thank you. Le calendrier des esclavages et des libérations. Le 19 juin 1870, en Espagne, le premier congrès espagnol de l'Internationale, qui représente 40 000 travailleurs, préconise la mise sur pied de fédérations de métiers unies dans une fédération régionale. 1878, Nouvelle-Calédonie. Le refus d'un colon de remettre une femme à la tribu de Doni déclenche la plus importante révolte kanak qu'ait connue l'île jusqu'à ce jour. Ce grand soulèvement kanak 1878-1879 surprend au départ et coûte la vie à de nombreux colons. La répression qui s'ensuivra. Être un colon, ça peut être dangereux, comme être un Macron, hein. Mais la répression qui s'ensuivra sera féroce, allant jusqu'à la tentation d'ethnocide et accusant les révoltés d'anthropophagie. Oui, mon livre est un petit peu ancien, il y a parfois un accent qui est un peu effacé. Alors que la plupart des déportés de la commune se situent avec les Blancs, Louise Michel est aux côtés des Kanaks, comme elle était aux côtés du peuple de Paris. 1919, France. Grève générale des mineurs pour l'amélioration des conditions de travail. 1920, Espagne. Le congrès extraordinaire du PSOE, Parti Socialiste Ouvrier Espagnol, réuni à Madrid, décide par 8000 voix contre 5000 et près de 2000 abstentions l'adhésion, sous condition, à la Troisième Internationale. Deux délégués sont désignés pour se rendre à Moscou. 1937, Espagne. Bilbao est pris par les franquistes. L'autonomie interne du Pays Basque est terminée. 1938, Maroc. Les ouvriers marocains qui participent massivement à la grève des phosphateries de Louis Gentil à Curitiba. 1953, USA. Dans la nuit à la prison de Sing Sing, Ethel, 38 ans, et Julius Rosenberg, son mari, sont électrocutés. Après un procès rapide, où ont été accumulées des monstruosités juridiques, ils ont été condamnés pour vol de secrets atomiques au profit de l'URSS. Les nombreuses interventions à leur faveur au cours des 3 années d'emprisonnement et de torture morale n'ont pas réussi à les faire libérer. 1956, Algérie. Pour la première fois, deux militants du FLN, Zabara et Farage, sont guillotinés à Alger. 1961, Koweït, indépendance. Malgré les prétentions annexionnistes de l'Irak. 1973, France. Les chaînes de fabrication de l'IPR commencent à fonctionner à un rythme humain, sans direction ni petit chef. 800 montres par jour au lieu de 2000. Devant l'usine, une banderole, on fabrique, on vend. 1981, Maroc. Contrairement à l'article 14 de la Constitution, qui garantit le droit de grève, le Premier ministre diffuse par les ondes des mesures de sanctions, licenciement, suspension, mutation, contre les travailleurs qui cesseraient le travail le lendemain. 1982, Palestiniens votent à l'ONU sur le droit des Palestiniens à une terre. Oui, 101, non, 2. Alors, les deux qui ont voté contre, c'était Israël et les USA. United States of America. 1983, France. Une fête de la paix au bois de Vincennes rassemble plusieurs centaines de milliers de personnes suite à l'appel des 100. On y affirme fortement, nous pouvons gagner la paix. Nous pouvons gagner la paix. Nous n'acceptons pas la fatalité de la course aux armements, ni la fatalité de la guerre.

L'impact des mines d'uranium, la CRIRAD l'a constaté, que ce soit en France, sur les mines qui sont aujourd'hui arrêtées, que ce soit à l'étranger, l'impact des mines d'uranium est vraiment très important en termes de pollution de l'air, de l'eau, des sols et sur le long terme, et en termes de quantité de déchets radioactifs qui sont produits par cette industrie. En France, on a 50 millions de tonnes de résidus radioactifs, car Evan n'est pas capable de confiner de manière correcte. Au Niger, 50 millions de tonnes également, et dans d'autres pays aussi. L'industrie nucléaire ne sait pas comment confiner autant de boues radioactives pendant des durées qui seront de milliers ou de millions d'années. Donc là-dessus, il y a une impasse. Si on prend l'exemple du Niger, les études qu'on a faites au niveau de la CRIRAD avec une association locale qui s'appelle Agerinman montrent une situation qui est vraiment scandaleuse. Au Niger, au moment où nous parlons, il y a encore des ferrailles radioactives dans les rues, il y a encore des bâtiments, des maisons qui sont constituées de roches radioactives issues des mines. Au Niger, dans la zone d'Arlit, où les filiales d'Areva extraient de l'uranium, il y a pratiquement 50 millions de tonnes de résidus radioactifs qui sont aujourd'hui entreposés à l'air libre. Ça veut dire que le gaz radioactif qui s'en échappe, le radon, les poussières radioactives ne sont pas confinées et se répandent dans l'environnement. Alors toutes les installations qui sont sur l'ensemble de la chaîne de l'amont du combustible, c'est-à-dire l'usine Comurex Areva de Malvézie, la conversion, l'usine Comurex Areva de Pierrelatte, deuxième étape de conversion, l'ancienne usine Eurodif, aujourd'hui Georges Besse 2 d'Areva au Tricastin, enrichissement, l'usine FBFC Areva à Romans, fabrication du combustible. Toutes ces installations conduisent à des rejets radioactifs et chimiques dans l'atmosphère par voie liquide et à une irradiation qu'on peut mesurer à la clôture et dans l'environnement de ces sites. Alors maintenant, quel est l'impact exact de tous ces rejets chimiques et radioactifs sur la santé des habitants? C'est extrêmement difficile de répondre à cette question du point de vue scientifique, parce que pour y répondre de manière scientifique, il faudrait qu'il y ait des études épidémiologiques précises, rigoureuses, fiables. Or, il n'y a pas, à notre connaissance, d'études épidémiologiques bien conçues qui soient capables de répondre scientifiquement à cette question. Là où on peut faire des choses simples, c'est avec un compteur GGR mesurer la radioactivité à la clôture d'une installation. Ça, tout le monde peut le faire. Mais chaque fois que nous l'avons fait, que ce soit à Malvézie, que ce soit au Tricastin, que ce soit à Romans, nous détectons une radioactivité anormalement élevée dans l'environnement. Et ce que fait Areva, c'est simplement, bien souvent, racheter des propriétés pour étendre son périmètre, de façon à ce que des gens qui avant étaient exposés parce qu'ils étaient près de l'installation, eh bien, soient délogés. Comme chaque dimanche, on va lire l'actualité entre les lignes avec vous. Bonjour Clément Viktorovitch. Bonjour. Cette semaine, vous revenez sur une innovation démocratique dont on parle de plus en plus, les conventions citoyennes. En France, on en a déjà connu deux, la première en 2020 sur le climat, la seconde très récemment sur la fin de vie. Mais d'où vient la légitimité de telles institutions? Pourquoi devrions-nous faire confiance à 150 citoyens tirés au sort? Eh bien, c'est la question que vous posez aujourd'hui. Oui, et elle est fondamentale cette question. Les conventions citoyennes sont en train de s'imposer en France comme à l'étranger, comme une composante de nos démocraties représentatives. Alors, il faut rapidement rappeler le principe, tirer au sort plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'individus qui se réunissent ensuite régulièrement, souvent pendant plusieurs mois, jusqu'à formuler leurs recommandations sur la question dont ils étaient saisis. Et là, c'est le moment où nous pourrions commencer à nous interroger. Pourquoi, en effet, devrions-nous accepter qu'une poignée de citoyens sélectionnés au hasard, se retrouvent investis du pouvoir d'influencer les décisions sur des sujets qui nous concernent toutes et tous, sans que nous ayons notre mot à dire. Alors c'est vrai que le tirage au sort, ça peut effectivement paraître une méthode contestable, d'autant qu'on a déjà des assemblées élues. Oui, c'est une objection toute naturelle. Et pour y répondre, il faut revenir sur le principe même du tirage au sort. Aussi inhabituel, même baroque qu'il puisse paraître, il possède en réalité deux vertus essentielles. La première, c'est la représentativité de la société. Si les participants sont tirés au sort avec rigueur, ce qui est très loin d'être toujours le cas, hein, mais s'ils le sont, alors, mécaniquement, nous devrions nous retrouver avec une assemblée qui ressemble à la France. Elle comporte autant d'ouvriers, de jeunes, de femmes que la population générale, et cela permet de recueillir dans le débat public la contribution de personnes que l'on entend rarement. C'est évidemment une grande vertu démocratique, mais ce n'est pas la seule. Deuxième vertu du tirage au sort, l'indépendance. Les participants, n'oublions pas cela, ne doivent leur place à rien d'autre qu'au hasard. Ils n'ont pas non plus à se préoccuper d'être réélus. Ce que cela garantit, c'est une très grande indépendance vis-à-vis des partis politiques et des groupes d'intérêt, et ça c'est capital. Les participants ne sont prisonniers d'aucune posture, ils peuvent débattre librement et, le cas échéant, s'autoriser à changer d'avis. Et dans ce cas, pourquoi ne pas tirer au sort directement l'Assemblée nationale ? Eh ben, parce que le tirage au sort vient malgré tout avec un prix à payer. Il lui manque la vertu essentielle de l'élection, l'assentiment. Si nous acceptons toutes et tous de nous plier aux lois votées par le Parlement, c'est parce que les députés et les sénateurs ont recueilli, par l'élection, l'assentiment du peuple. Un assentiment certes imparfait, on peut le critiquer, et de bien des manières. On peut par exemple remarquer que cet assentiment n'est pas celui de tout le peuple, mais seulement d'une majorité, parfois très relative. Il n'empêche que l'élection confère une légitimité. C'est la raison pour laquelle les conventions ne peuvent pas prendre de décision. Elles n'ont pas reçu notre assentiment. Tout ce qu'elles peuvent faire, c'est mettre en circulation une proposition issue des citoyens eux-mêmes. Alors, est-ce qu'on pourrait pas arriver au même résultat, finalement, avec un simple sondage d'opinion ? Eh ben, nous pourrions. Par contre, ce ne serait pas le même résultat. Le principe d'un sondage, c'est qu'il enregistre des réponses très spontanées et souvent peu informés. Les propositions issues d'une convention citoyenne ne sont pas de même nature. Elles sont, elles, issues de la délibération. Les participants et les participantes ne se contentent pas de donner leurs avis. Ils se forment à la question, auditionnent des experts, confrontent leurs idées, évoluent sur leurs positions. Le rapport final nous donne une idée de ce que pourrait être l'opinion publique si tous les citoyens avaient le temps d'investir la question. On est très loin d'un simple sondage. Au contraire, on participe d'un véritable idéal, celui de la force non violente du meilleur argument, pour citer le philosophe Jürgen Habermas. Alors, il reste, Clément, la question essentielle. Comment faire pour respecter cette contribution des citoyens, tout en respectant la liberté des élus ? Et oui, c'est effectivement la grande question. Alors, il existe une solution simple. Le référendum. Laissez les citoyens décider d'accepter ou non directement la décision qui aura été préparée pour eux par la convention. Le seul problème, c'est que cela suppose des élus qu'ils acceptent de se dessaisir d'une partie de leurs prérogatives. Et ça n'est pas toujours facile, nous le constatons. A contrario, il y a toujours un risque avec les conventions, c'est qu'elles se retrouvent instrumentalisées par le pouvoir politique. Le gouvernement reprend la main et ne retient des propositions que ce qui l'arrange. Pour l'instant, remarquons que c'est plutôt ce qui s'est produit en France, à tout le moins avec le grand débat national et la Convention citoyenne pour le climat. Alors, les conventions citoyennes resteront-elles un gadget permettant de conférer un simple vernis citoyen à des décisions gouvernementales ? Ou deviendront-elles le moyen de faire émerger une nouvelle légitimité démocratique ? L'avenir seul nous le dira. Entre les lignes, chaque dimanche sur France Info. Merci Clément Viktorovitch. Monsieur le Président, chers collègues, alors ce moment des printemps d'évaluation est évidemment très important, notamment parce qu'il est symbolique que nous puissions encore évaluer les lois, à défaut de les voter, dans ce Parlement. Je fais évidemment référence ici à l'interdiction qui pèse sur nous d'examiner l'abrogation de la réforme des retraites, qui pourtant est un sujet politique d'ampleur majeure et prouve malheureusement que la présidence de l'Assemblée nationale est devenue une annexe de l'Élysée et que le pouvoir législatif, par la voix de sa présidente, a capitulé en rase campagne. D'ailleurs, notons que les institutions internationales sont elles aussi assez épouvantées par le glissement que connaît notre République. Il n'y a pas d'autre parlement en Europe, notons-le, où l'on interdise aux parlementaires de proposer des textes de loi de cette façon. Dès lors, oui, la démocratie est en péril. Dans ce cadre, je viens au rapport à l'instant, dans ce cadre, nous ne sommes pas ici uniquement pour évaluer des dispositifs, nous sommes ici pour évaluer une orientation politique qu'est le macronisme. Puisque, comme Janus, le macronisme a deux visages qui cohabitent sur une même tête sans jamais se rencontrer ni se voir. Il s'agit d'un côté de blablater sur de nouveaux droits qui seraient théoriquement ouverts et de l'autre côté, les rendre inopérants dans un même geste, un même mouvement. Évidemment, cette contradiction sur laquelle je vais revenir suscite un certain ressentiment, ce qu'on constate devant les hygiaphones, devant les formulaires, dans les services publics, y compris chez les gens obligés à domicile de recourir à leurs droits. Bref, vous avez réussi, en proclamant des droits inopérants, à créer du désespoir et du ressentiment. Et on le voit dans tous les textes qui ont été évalués ici. De la main gauche, on ouvre un droit, de la main droite, on le referme. On attendait de la santé publique, on a du vent, et en l'occurrence, un vent mauvais. Pourquoi ? Par souci, évidemment, d'économiser le moindre centime qui serait abandonné aux classes populaires pour réserver ces euros à une poignée de grands bourgeois, il faut bien dire le mot. Si nous regardons les rapports un par un, regardons l'évaluation du programme Mon Parcours Psy. Vous proclamez un accès aux soins sans l'autoriser réellement. Quel est l'enjeu ? Il y a 8 séances qui sont ouvertes auprès d'un psychologue conventionné par votre dispositif, sauf si c'est grave, car vous avez inventé le soin réservé aux gens les moins atteints. En sont exclus la dépression chronique, le deuil compliqué, le trouble anxieux généralisé, les troubles de stress post-traumatique, les individus sous traitement ou post-hospitalisation. Bref, nous sommes dans un pays où l'on proclame soigner la psyché des gens, mais à condition qu'il n'y ait que peu à guérir. Et vous les remettez à des psychologues en n'en conventionnant guère que 2000. Dès lors, grâce à ce dispositif, on peut soigner une personne sur 100 avec un psychologue sur 50, et on appelle ça un accès aux soins au lendemain d'une pandémie dont le déclenchement puis la gestion ont occasionné une explosion de troubles psychiques. Je m'appuie évidemment sur les données ici, sur le rapport de nos collègues Sébastien Peytavi, Pierre Daréville et Éric Alauzet. Regardons de même le fonds d'indemnisation des victimes de pesticides, évalué par Paul Christophe. Vous proclamez là aussi une indemnisation en empêchant aux bénéficiaires putatifs d'y accéder. Pas étonnant depuis que Marc Fesneau se promène devant les caméras en se vantant de dire du bien des pesticides sans avoir honte de ce propos. De quoi s'agit-il avec ce fonds ? Verser de l'argent aux gens tombés malades à cause de leur métier, où ils ont été exposés à des pesticides, que ce soit une exposition par la peau, par la respiration, en interne ou en externe du corps. Et quel succès ! 326 dossiers reçus. Formidable, dont 11 en Outre-mer. 11 en Outre-mer, où 10 000 travailleurs et travailleuses de la banane ont été exposés à la chlordécone, cette molécule cancérogène, écotoxique et stérilisante, produite par la société allemande Spiess und Sohn. D'ailleurs, on ne sait toujours pas à qui elle a vendu d'autres que les Antilles françaises. Ce serait bien de s'intéresser un jour à ce sujet. Et pourquoi aussi peu de bénéficiaires ? Eh bien, parce que là aussi est proclamé un droit à indemnisation, mais avec des règles de prescription de droit commun. C'est-à-dire qu'il faut apporter une preuve médicale qui a moins de 2 ans d'un déclenchement et d'un constat des symptômes. Dès lors, toute personne qui aurait été victime durant sa carrière et qui aurait arrêté sa carrière dans les 2 ans précédant l'entrée en vigueur de cette réglementation, évidemment, ne peut pas faire valoir l'indemnisation. Bref, les victimes resteront non signalées et non indemnisées en dépit de votre agitation. Regardez également les entretiens postnataux précoces. Ils ont été mentionnés tout à l'heure par Madame la Présidente, parce que j'ai eu l'honneur de rédiger ce rapport. Que se passe-t-il dans cette situation ? Là également, vous proclamez un entretien obligatoire de prévention dont l'accès est rendu de facto impossible. Il s'agit d'un entretien obligatoire entre 4 et 8 semaines après un accouchement qui vise à détecter des troubles de dépression postpartum, un sujet extrêmement important puisqu'on le sait, la deuxième cause de mortalité maternelle est le suicide. Dès lors, pourquoi seulement 8% des mères y ont eu effectivement accès à cet entretien obligatoire ? Eh bien, parce que par radinerie mesquine, vous leur imposez de payer pour un rendez-vous obligatoire parce que vous leur imposez un ticket modérateur qui les extrait de l'assurance maternité, et elles se retrouvent invitées, pour celles qui sont au courant de l'existence du dispositif, à un entretien obligatoire payant. Donc, soyons clairs, une partie conséquente des troubles psychiques, des dépressions et du sort qui leur est fait est directement tributaire de choix budgétaires qui sont discutés ici. Et pourquoi cette situation ? Pourquoi cette situation ? Eh bien, tout simplement, car une bonne partie de celles et ceux qui siègent ici n'apprécient pas la sécurité sociale, ce qu'elle représente, son esprit et ses ambitions originelles, à savoir l'idée que nous ayons des droits qui ne dépendent pas du bon vouloir et des votes dans cet hémicycle, mais uniquement du travail accompli par toutes et par tous. En effet, vous voudriez que la sécurité sociale ne soit qu'une instance de redistribution, suivant un mantra souvent entendu, il faut produire avant de distribuer, on connaît, ce qui vous empêche de voir plus loin que le bout du nez, à savoir que la Sécu produit d'ores et déjà beaucoup de choses. C'est l'évidence si on regarde un système de soins financé à 80% par la sécurité sociale et qui contribue au PIB directement, donc à la production nationale de richesses. Et cette production n'est pas qu'une commodité, elle est aussi plus efficace et moins chère que ce que fait le secteur privé, son équivalent privé. Songeons ici aux complémentaires santé, rien qu'à elles, qui parviennent, cet exploit, de dépenser autant de frais de gestion que la sécurité sociale pour couvrir 7 fois moins de pathologies et couvrir 7 fois moins de frais de santé. C'est l'évidence historique aussi. C'est le doublement des taux de cotisation à l'assurance maladie entre 1944 et 1978, pour être précis, passant de 8 à 16 points de base, qui ont permis, sans aucun endettement public, de concrétiser un investissement massif et formidable, celui de l'appareil hospitalier, notamment les CHU. Et j'entends certains arguments, parfois abscons, disant que nous voudrions baisser les salaires nets en augmentant les cotisations, ce qui est évidemment absurde. Déjà, parce que depuis 45, on a triplé les cotisations. À ce que je sache, les salaires nets n'ont pas baissé, donc l'histoire prouve que c'est faux. Deuxièmement, parce qu'augmenter un taux de cotisation ne signifie pas rogner un salaire net, mais simplement orienter une partie de la richesse future vers le bien commun. Et je sais que si on propose demain à tous nos compatriotes et toutes nos compatriotes de leur rembourser l'intégralité des médicaments, ils seront d'accord pour une augmentation de salaire de seulement 110 euros au lieu de 115. Bref, la situation dans laquelle nous sommes ici résulte également d'une doctrine particulière, la fiscalisation de la sécurité sociale, puisque vous souhaitez substituer l'impôt aux cotisations. On le voit depuis l'arrivée au pouvoir de Emmanuel Macron. En 2017, la sécurité sociale était abondée par 2/3 de cotisations. En 2022, ce n'est plus que la moitié à peine du budget qui en est constituée. Or, la différence entre l'impôt et la cotisation est évidemment massive, même si le site qu'a créé Monsieur Attal apparemment a oublié de mentionner cette distinction. C'est évidemment une contribution que je fais au gouvernement direct en revenant dessus. D'un côté, l'impôt, on le sait, est un versement obligatoire au budget de l'État qui n'a pas de contrepartie et dont l'usage est décidé par le Parlement tous les ans, c'est-à-dire par nous toutes et nous tous. De l'autre, la cotisation sociale est un versement obligatoire des travailleuses et travailleurs qui socialise une partie de la richesse produite par la seule source de richesse qui existe dans ce pays, la force de travail, et qui vient couvrir maladie, invalidité, accident du travail, chômage, bien sûr retraite, assurée par une partie de nos salaires mis en commun dans laquelle personne ici ne peut venir piocher, sauf, bien sûr, s'il fiscalise la sécurité sociale et s'approprie ainsi les sources de financement pour mieux contraindre les dépenses en aval. Finalement, cette question de la sécurité sociale pose la question de la citoyenneté. Aujourd'hui, dans une France économiquement, on va dire, très libérale, la citoyenneté se résume à s'acquitter d'impôts à proportion de son succès personnel sur le marché du travail ou de ses privilèges en matière patrimoniale, ce qui a effectivement, à une période, permis une ouverture démocratique en abolissant la dépendance de l'État vis-à-vis de grandes aristocraties financières, mais qui exclut celles et ceux qui ne peuvent pas financer d'impôts directs ou dont la contribution par la TVA, est invisibilisée. La cotisation, elle, pose une autre citoyenneté. Pour exercer du pouvoir sur le monde qui nous entoure, c'est-à-dire pouvoir décider d'un destin commun, il faut maîtriser le travail. Et ce, aux deux sens du terme. Maîtriser la valeur d'usage dont on décide de l'affectation à partir du produit de ce que l'on a fait et produire une valeur économique abstraite, une richesse monétaire qui part dans des caisses qui, elles, sont socialisées. L'un sans l'autre cause de la souffrance. Contrôler son travail sans partager les richesses, c'est renoncer à assurer les risques collectifs. Partager les richesses sans contrôler le travail, ça signifie produire en raison et en fonction des besoins et des désirs d'autres personnes, généralement que l'on nomme des actionnaires. C'est donc cela qui est en jeu aujourd'hui. Évaluer deux modèles de société. Celui où une petite caste parvient à fiscaliser la sécurité sociale pour plonger sa main dedans et avoir un usage de son gré propre de notre argent, ou celui où le plus grand nombre administre directement la richesse collective pour assurer les lendemains de l'humanité. On appelle ça la sécurité sociale. Thank you. N'ayons pas peur des mots. Cette semaine, on peut se poser la question. Sommes-nous encore en République ? Est-ce encore la démocratie en France ? Eh bien, on a de nombreuses raisons de penser que non. Oui, je le dis, nous ne sommes plus vraiment en République. Pas seulement parce que le président prend l'habitude dorénavant d'organiser de grandes réunions dans le palais de Versailles, qui a toujours représenté, à l'égard du peuple français, la monarchie toute puissante et absolue. Et puis parce que sa manière de conduire le mandat de président de la République a ce côté personnel, hors de tout contrôle, que chacun peut observer. Mais c'est surtout parce que cette semaine va se tenir une réunion de l'Assemblée nationale pour discuter d'un texte proposé par des parlementaires dans le cadre de leur propre journée, la seule de toute l'année où ils peuvent, groupe par groupe, organiser la nature de la réunion qui tient l'Assemblée. Eh bien, au moment où va venir cette proposition de loi faite par un groupe parlementaire, la présidence de l'Assemblée nationale, sur ordre du président de la République, va rendre impossible le vote de l'Assemblée nationale sur le fond de ce texte. Alors, on peut dire, ah ben tiens, bien joué, c'est un bon coup de force, un bon coup de dé. Mais il n'y a pas une démocratie dans le monde où l'on vit déjà dans la situation dans laquelle se trouvent les Français à présent. En effet, je le rappelle, la loi sur la retraite à 64 ans n'a été adoptée par aucun vote de l'Assemblée nationale. C'est donc un texte qui est passé de force avec un 49.3 qui est un article extrêmement spécial de la Constitution, déjà utilisé 11 fois dans le vote de la loi de finances de ce pays. Et une fois de plus, pour que tout le monde soit obligé en France de travailler 2 ans de plus avant de partir à la retraite. Ce n'est pas une petite affaire que de se faire voler 2 ans de vie libre par un texte décidé par une seule personne et jamais voté dans aucune assemblée. Alors oui, là, on a le droit de se dire, sommes-nous en République ? C'est-à-dire, pas seulement en démocratie, mais dans le respect d'un certain nombre de règles, de vie commune, de la manière de discuter. Est-ce qu'on est encore en République quand le droit de manifester est disputé comme il l'est aujourd'hui, où l'on a vu tout un département interdit de manifestation parce que la Première ministre venait dans une ville ? Est-ce qu'on est encore en République lorsque on peut rouer de coups des journalistes dans une manifestation ou frapper des parlementaires ? Est-ce qu'on est encore en République quand le droit de grève, qui est consubstantiel à l'idée de choses publiques, le droit de grève est contrebattu par des réquisitions en veux-tu, en voilà, qui réduisent à néant le fait que l'on puisse s'opposer démocratiquement, par la grève, à une décision qui est prise ? Est-on encore en République lorsqu'un des points de la Déclaration des droits de l'homme, aussi fondamental que celui qui dispose qu'il est impossible de priver quelqu'un de liberté sans qu'il y ait une décision de justice, voit dans le même temps des centaines, que dis-je, des milliers de gardes à vue, sans aucune suite judiciaire, décidée simplement par la police, qui ramasse des manifestants en vrac et les met au poste pour la nuit et des fois pour plusieurs jours, comme cela s'est produit dans un certain nombre de cas. Sommes-nous encore en République, lorsque le droit de présenter des amendements à un texte de loi, qui est le fond même de la vie parlementaire, dans un régime déjà où l'initiative des lois n'appartient pratiquement qu'au gouvernement. Est-ce que quand ce droit d'amendement est suspendu, on est encore en République ? Et au total, si on n'est plus en République, alors sommes-nous encore en démocratie ? C'est la raison pour laquelle les dirigeants insoumis, et en particulier Manuel Bompard, qui est le coordinateur du mouvement, s'est exprimé à la télévision ce dimanche pour dire qu'il comptait, au nom du mouvement et avec les parlementaires, saisir les institutions internationales qui sont la protection des régimes démocratiques, comme la Commission des droits de l'homme à l'Organisation des Nations Unies ou au niveau de la Cour de justice de l'Union européenne. Car vraiment, la question se pose. Si c'était une affaire purement franco-française, on dirait peut-être que c'est une illusion d'un moment, mais non, c'est que dans plusieurs pays dans toute l'Europe, on voit cette même glissade se faire, et en général, elle est accompagnée de grandes coalitions de droite, comme c'est le cas en Hongrie, comme c'est le cas en Pologne, comme c'est le cas en Italie. Et en France, eh bien oui, ça commence à sentir bien mauvais, et ça repose la question, est-on encore en République, quand le président de la République, le chef de l'État, décide que dorénavant, il va falloir reconsidérer le cas de Philippe Pétain, traître à la patrie, antisémite, qui capitula puis collabora avec les nazis, ou quand il trouve qu'un intellectuel comme Maurras, antisémite assassin, mérite d'être reconsidéré dans son brio intellectuel. Oh, je sais, on trouvera toujours assez de gens pour dire que c'est un peu exagéré, que peut-être il n'y a pas lieu de se faire autant de soucis. Mais s'il y a des raisons de s'en faire, parce que c'est dans l'Europe tout entière que l'on voit l'extrême droite progresser, et c'est dans l'Europe tout entière que l'on voit toutes les droites faire des fronts communs pour gouverner ensemble et porter des valeurs qui ne sont plus celles de la France universaliste, plus celles de la France antiraciste, plus celles de la France républicaine. Bonjour à toutes et à tous. Cette petite vidéo pour vous lancer une alerte sur ce qui est en train de se passer à l'Assemblée nationale et qui est extrêmement grave. Ce jeudi 8 juin, c'est la niche du groupe Liot. Et dans le cadre de cette niche, le seul jour où on peut inscrire des textes à l'ordre du jour, eh bien la NUPES a co-signé un texte avec le groupe Liot pour abroger la retraite à 64 ans, donc la supprimer. Il se trouve que en ce moment, il y a une grosse bataille à l'Assemblée nationale avec un gouvernement qui essaye de faire pression et sur l'Assemblée, et sur la présidente de l'Assemblée, et sur le président de la Commission des Finances, et sur l'ensemble des oppositions, pour qu'on ne discute pas ce texte. Je vous explique. Dans les retraites, vous avez suivi, on a déjà eu de la part du gouvernement un loto autoritaire absolument incroyable qui n'a jamais été vu en Ve République. Le 49-3, ça permet, vous avez compris, d'adopter un texte sans qu'il soit voté, puisque, vous le savez, l'Assemblée nationale allait voter contre la retraite à 64 ans. Vous avez ensuite le 47-1 qui permettait pour la première fois de faire passer un texte de fond par un projet de loi de financement rectificatif de la Sécurité sociale qui permet d'utiliser le 49-3 et de limiter le temps de débat. Ensuite, moins connu, le 44-2 qui permet de supprimer plein d'amendements dans une discussion. Et le 44-3, utilisé au Sénat, qui permet, lui, de faire un vote bloqué et de ne pas voter sur chacun des amendements, comme ça se fait normalement. Et bien là, fin du loto autoritaire, ils utilisent maintenant l'article 40. Alors l'article 40, c'est quoi ? L'article 40, c'est de dire que lorsqu'il y a une proposition de loi ou des amendements, on n'a pas le droit de créer des dépenses. On n'a pas le droit de créer ce qu'ils appellent des charges financières sans que ça soit gagé sur, par exemple, des ressources, je sais pas, aller chercher les super profits ou ce qui se fait le plus souvent sur le prix du tabac. Ensuite, ce n'est qu'une norme. On enlève cette charge-là, on enlève ce gage-là et on fait ensuite la proposition de loi. Donc, ils utilisent l'article 40 pour dire que cette proposition de loi serait irrecevable et qu'on ne pourrait pas la discuter. Or, comme dans toutes les propositions de loi, le bureau de l'Assemblée nationale, présidé par Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée, a déjà décidé que cette proposition de loi était recevable. Donc il n'y avait pas de problème. Et ça va dans la coutume de ce qui a été fait depuis des années et des années sur cette question-là pour permettre une initiative parlementaire. Je vous dis à quel point c'est un prétexte. En fait, il y a quelques semaines, on a discuté d'un texte qui s'appelle « Bien vieillir ». Et dans ce texte qui s'appelle « Bien vieillir », il y avait 7 à 8 milliards de coûts dans cette proposition de loi qui étaient gagés sur... le tabac. Donc, exactement pareil que celle qui est proposée par Liot aujourd'hui. Donc, qu'ont-ils fait ? Ils ont saisi le président de la commission des finances pour qu'il donne un avis pour savoir si cette proposition de loi était recevable, si on pouvait la discuter, ou irrecevable. Eh bien, Éric Coquerel a donné sa décision et a décidé sur une longue jurisprudence avec des arguments qui sont extrêmement solides que oui, cette proposition de loi était bien recevable. Et pire que si on mettait ça en jeu, alors ça voudrait dire qu'il ne pourrait plus y avoir une seule initiative parlementaire dans cette assemblée. Donc, il a jugé cela recevable. Alors là, levée de bouclier du gouvernement, des macronistes à l'Assemblée, qui expliquent que Éric Coquerel serait le pire président de la commission des finances de l'histoire de l'Assemblée. Maurice Papon a été président de la commission des finances pour vous dire jusqu'à où ils vont, pour expliquer que ça serait une décision partisane. Ça ne l'est pas. Je vous parlais de la PPL bien vieillir, mais on peut vous parler de tout l'historique des décisions qui ont été prises au moins depuis 2009, qui vont toutes dans le même sens, c'est-à-dire protéger le droit à l'initiative parlementaire et le droit du Parlement juste à pouvoir avoir une initiative parlementaire pour légiférer. La deuxième chose, c'est que ces gens alors oublient complètement ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs dans ce pays. C'est quand même incroyable de voir un gouvernement qui veut lui-même dicter sur quelque chose qui est parlementaire ce qui serait constitutionnel, non constitutionnel, ce qu'on pourrait discuter ou ne pas discuter. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont peur ? Je vais vous expliquer, c'est simple. La première ministre l'avait dit lors du premier 49-3, le compte n'y était pas. Donc si on va au vote le 8 juin sur cette proposition de loi, ils savent très bien que l'Assemblée nationale votera contre la retraite à 64 ans et vous imaginez le signal politique que ça envoie dans le pays. Donc ça magouille à fond. Donc première chose, partagez cette vidéo parce que ça permet à tout le monde de comprendre ce qui est en train de se passer et à quel point ces gens détestent la démocratie. Deuxième chose, suivez la commission des affaires sociales qui aura lieu ce mercredi 31 mai, qui a lieu avant le 8 juin, pour discuter la proposition de loi, notre proposition de loi, dans le cadre de la niche Liot. Troisième chose, il faut qu'on soit très nombreux et nombreuses à descendre dans la rue le 6 juin à l'appel de l'intersyndicale, parce qu'il y a besoin de maintenir une pression populaire très forte et pour dire qu'on ne tourne pas la page de nos vies sur cette question de 2 ans de vie volée. Et puis quatrième chose, le 8 juin, nous pouvons voter l'abrogation de la retraite à 64 ans, ce qui serait un énorme point d'appui dans la bataille qu'on continue de mener, quel que soit ce qu'ils utilisent, 49-3, 47-1, 44-2, 44-3, article 40. Eh bien, en démocratie, c'est le peuple qui doit avoir le dernier mot. Donc on continue la bataille plus que jamais. On a besoin de vous, on a besoin de faire en sorte que on dise partout aux macronistes qu'on est en train de voir les magouilles qu'ils sont en train de faire et qu'on refuse qu'ils jouent avec la démocratie de manière aussi dangereuse que ce qu'ils sont en train de faire. Courage les amis, on continue et je continue de vous tenir au courant. Le piano du pauvre se noue autour du cou. La chanson guimauve, Toscanini s'en fout. Mais il est pas chien et le lui rend bien. Il est éclectique sonate ou java, concerto, polka, il aime la musique. Que le piano du pauvre, c'est le Chopin du printemps. Sous le soleil mauve des lilas de nos gens, il roucoule un brin à ceux qui se plaisent bien et fait des avants. Ce Ravel ou machin, c'est déjà la fin, mais v'là qui recommence. Le piano du pauvre se noue autour des reins, sa chanson guimauve, ça va toujours très loin. Car il est pas chien, toujours il y revient, il a la pratique. C'est pour ça d'ailleurs que les histoires de cœur finissent en musique. Que le piano du pauvre est un joujou d'un sou. Quand l'amour se sauve, y a pas que lui qui s'en fout. Car on n'est pas chien, on le lui rend bien, on est éclectique. Que Jules ou bien machin, c'est déjà la fin, mais v'là qu'on y repique. Que le piano du pauvre, c'est pas qu'il est voyou. La chanson guimauve, on en prend tous un coup. Car on n'est pas chien, on a les moyens et le cœur qui plie. Ce Kampaderewski tire de son étui l'instrument de service. Ce le piano du pauvre n'a pas fini de jacter. Sous le regard fauve des rupins du quartier, pendant que les barbus du vieil institut posent leur baiser, clos pour entendre au loin le piano moulin qui leur fait l'article. Le piano du pauvre dans sa boîte à boba se tape un air guimauve en se prenant pour Mozart. S'il a l'air grognon et joue sans façon, déjà va pervers. Ce, c'est qu'il est pas chien et puis qu'il faut bien faire marcher le commerce. Présidente, collègues, ministres, vous êtes en sursis. Tôt ou tard, vous tomberez, vous, votre gouvernement et votre réforme des retraites. C'est une promesse que le peuple français vous fait encore aujourd'hui dans la rue. Vous ne tiendrez pas 4 ans. Oui, messieurs les ministres, vous êtes en sursis. Car la Macronie est devenue un océan de malheur. 6 ans de Macron, c'est plus de 10 millions de pauvres dans la 7e puissance économique au monde. 6 ans de Macron, c'est 12 millions de personnes fragilisées par votre politique du logement. 6 ans de Macron, c'est un Français sur 3 qui a moins de 100 euros de reste à vivre au 10 du mois. C'est un Français sur 6 qui se prive d'un repas par jour. C'est la faim qui disloque le pays, avec 8 Français sur 10 qui se serrent la ceinture. 6 ans de Macron, c'est 80 services d'urgence qui ferment la nuit en 2022. C'est les scandales de maltraitance des EHPAD privés lucratifs. 6 ans de Macron, c'est 43 personnes décédées l'année dernière en attente de soins. 6 ans plaît, de Macron, de c'est 2 ans de vie s'il volée à tout un peuple avec la retraite à 64 ans. Oui, vous êtes en sursis, car vous ne tenez que par la force et qu'en démocratie et en république, c'est bien le peuple qui a le dernier mot. Oui, vous êtes en sursis, car vous avez déjà perdu. Le peuple de France compte les jours pour tourner la page de votre politique de maltraitance sociale, sanitaire, écologique et démocratique. Hier, nous vous avons déjà infligé 2 défaites sur les lois de règlement 2021 et 2022. Nous recommencerons aujourd'hui et jeudi en abrégeant la retraite à 64 ans. Nous ne vous laisserons pas brutaliser les Français 4 ans de plus. Nous ne vous laisserons pas attaquer les droits du peuple en matière de retraite, de chômage et de santé. Vous n'avez toujours pas compris. On ne gouverne pas pour protéger un camp. On gouverne pour protéger l'intérêt général. Merci, madame la collègue, rejetez ces comptes 2022 de la Sécurité sociale, comme le pays rejette la politique tout entière de ce gouvernement. Eh bien, je ne sais pas vous, mais moi jusque-là, les exemples d'application de l'intelligence artificielle n'étaient pas vraiment de nature à m'angoisser. La vidéo de la reine d'Angleterre dansant sur une table, la photo du pape en doudoune, jusqu'à ce que, la semaine dernière, on apprenne que l'Iran, Claude en parlait, utilisait l'intelligence artificielle pour traquer les femmes qui refusent de porter le hijab. Bah du coup, j'angoisse. En 3 semaines, on est passé d'une technologie capable de générer une image virtuelle de Nicolas Demorand en train de faire du sport en short, image que seule l'IA est capable de générer, on est d'accord. On n'est pas à l'abri. Même l'IA, elle y arrive pas. C'est compliqué, mais je parie sur l'intelligence artificielle. À l'horreur de voir des Iraniennes emprisonnées grâce à l'intelligence artificielle. La prochaine fois, vous allez voir qu'on va apprendre qu'on a profité des JO pour mettre en place un système système de vidéosurveillance algorithmique en France. Ce serait dingue, non ? Bon, pour mesurer le chemin parcouru par les mollahs, il faut revenir au portrait de Khomeini, interprété en son temps par Thierry Leluron, reprenant une chanson de Georges Moustaki sur des paroles de Philippe Val. Attention, je vais chanter. Avec sa gueule de raisin sec, ses yeux en pépins de pastèque, sa barbe pleine de morpions. Avec ses couilles ratatinées qui n'ont pas été tripotées depuis les guerres de religion. Là, je vais parler parce que sinon c'est dangereux. Avec ses genoux rabotés par les dalles de toutes les mosquées, de Paris jusqu'à Téhéran. Voici venir l'ayatollah, un vieux fanat tout gaga qui fait pipi dans son turban. En 40 ans, on est passé d'un vieux fanat tout gaga qui fait pipi dans son turban à des mollahs 2.0 qui utilisent l'IA pour obliger des femmes à cacher leurs cheveux. Vous imaginez le niveau de créativité dont ils font preuve pour inventer de nouveaux moyens de pourrir la vie des femmes. Au moment où l'humanité s'apprête à vivre un saut technologique aussi important que l'invention de l'imprimerie, les mollahs n'ont qu'une seule idée en tête, l'utiliser pour interdire aux femmes de montrer leurs cheveux. Sans déconner, si on leur avait dit à l'époque qu'une Iranienne se baladait sans hijab sur la Lune, l'Iran aurait été le premier pays à y envoyer un gardien de la révolution pour aller l'arrêter. Pour avoir ce niveau de hargne, il n'y a qu'une seule chose qui puisse l'expliquer, c'est la peur. La peur des femmes, des jeunes filles, des fillettes, la peur qu'elles soient libres. Du simple flic torturant une femme pour un voile mal ajusté, au guide suprême, ils ont peur des femmes, c'est maladif. Il suffit d'écouter ce que disait Khomeini dans une citation exhumée par la journaliste Abnous Chalmani, je cite « Chaque fois que dans un autobus, un corps féminin frôle un corps masculin, une secousse fait vaciller l'édifice de notre révolution. » C'est là qu'on comprend qu'à cause de l'hypersensibilité du zboub suprême, traversé par une secousse à chaque fois qu'il frôle une femme dans l'autobus, le régime iranien en est à mettre toute la technologie moderne et l'intelligence artificielle au service de l'archaïsme le plus primaire. Ils m'ont tapé sur la tête, je ne me rappelle plus pourquoi. Ni même si ça m'a fait mal, parce que j'en suis mort. Qu'est-ce que j'étais déjà ? Travailleur, immigré, philosophe, résistant caché, dissident notoire, ou bien animal à fourrure. Je m'appelais comment déjà ? José Abdel Argentino, Arabica, Yann Patochka, ou bien alors bébé phoque. Ils m'ont tapé sur la tête, je ne me rappelle plus pourquoi, ni même si ça m'a fait mal, parce que j'en suis mort. M'a-t-on assommé pour mes idées, ou pour faire de moi un manteau, de l'argent ou la couleur de ma peau? J'ai un bout d'os dans la mémoire. Quand leurs pieds chaussés m'ont cerné, étais-je allongé dans des draps, ou bien couché sur la banquise, ou est-ce que je sortais d'un café? Je suis mort dans la rue de l'Ouest, sur la glace du Nord, bouché les flics de l'Est, ou dans la pampa des casquettes, à coups de trique noir. Est-ce que je rêve de vengeance, de tête policière éclatée, de tête de chasseur sanglante, de tête de raciste empurée? Ou bien est-ce que je vois des têtes émerveillées d'elles-mêmes, émerveillées de leurs dedans et se découvrent en nouveau monde? Je suis mort, répondez pour moi. Je m'appelais Yann Patochka argentin et bébé phoque arabe. Maintenant, ça me revient. Août 1953, alors que les Français s'apprêtent à partir en vacances, le gouvernement veut faire passer en douce plusieurs mesures impopulaires. et notamment l'âge de la retraite de 65 à 67 ans pour les fonctionnaires. La réaction est immédiate. L'annonce des décrets d'économie agitait déjà le secteur public. Les postiers fermaient leurs guichets. À leur exemple, les services de voirie se mettaient en grève, laissant pour quelques jours la rue aux poubelles. Et les cheminots, à leur tour, fermaient leurs gares. Aux pauvres gens en vacances, la campagne et la mer devenaient soudain inaccessibles. C'est toute la France qui débraye. 4 millions de grévistes, postiers, cheminots et même vignerons. Enfin, dans les régions viticoles, les vignerons mécontents rééditaient les manifestations de la semaine précédente. Leurs barricades coupaient les routes. La plupart des touristes avaient en prévision détourné leur itinéraire. Le gouvernement réquisitionne de la main-d'œuvre, mais aussi des quarts de l'armée pour les Français qui veulent partir en vacances. Et le président du Conseil lance un appel au pays, à la radio. Face à la grève, qui cherche à paralyser tout, je réponds donc catégoriquement non. Je dis non à la grève. Mais les blocages continuent dans les transports. En France, deuxième semaine de grève. Tandis que les gares d'autobus restaient désertes, on a vu l'autostop devenir le sport quotidien des Parisiens. Ou encore à la poste. On a vu encore, l'ingéniosité ne perdant pas ses droits, des représentants en vain acheminer leurs commandes par pigeons voyageurs. Après 16 jours de grève générale, le gouvernement abandonne sa réforme des retraites. Voilà, je vais devenir un peu politique, de saluer votre courage d'avoir accepté ce poste de ministre de l'Éducation. Je pense que ça ne doit pas être facile tous les jours d'exercer cette fonction au sein d'un gouvernement et avec un président dont les paroles et les actes sont un peu le contraire des valeurs que devrait transmettre l'école. Un gouvernement et un président qui préfèrent imposer plutôt que dialoguer, préfèrent donner des leçons plutôt que de faire de la pédagogie, qui préfèrent parfois le mépris au respect et à l'écoute, qui préfèrent cliver et diviser plutôt qu'unir, qui préfèrent les intérêts particuliers au bien commun, et dont le seul critère de réussite semble être de faire partie des premiers de cordée. C'est bien de ça que souffre, enfin, mon humble avis, depuis longtemps, le système scolaire français. Si je peux paraphraser un peu le sociologue François Dubé, c'est que le critère essentiel de la réussite d'un parcours scolaire reste l'accès aux élites, aux meilleurs lycées, aux meilleurs prépas. Et dans cette compétition, il n'y a pas d'égalité des chances. Et à cause de ces inégalités, trop de jeunes restent au bord de la route et vont nourrir du ressentiment envers l'école et les valeurs démocratiques qu'elle est censée représenter. Oh, Il atterrit finalement à Paris et il reçoit un accueil de chef d'État. Et il assiste même au défilé du 14 juillet aux côtés des généraux Juin et Delattre. Une grande réception est organisée en l'honneur d'Ho Chi Minh, accueilli chaleureusement par l'épouse de Saint-Denis, Lydie Sarro, pendant que la situation se dégrade en Indochine. Pour faire pression sur les Français, le Viet Minh attaque des convois et tue des soldats. Et après un mois de dialogue de sourds, la conférence de Fontainebleau se termine sur la signature d'un vague protocole et Ho Chi Minh repart. Il a refusé de prendre l'avion, par peur, a-t-il dit, d'un attentat. Il va mettre 3 semaines pour arriver à Haiphong, le port du nord de l'Indochine, le 20 octobre 1946. Sa longue absence, bien calculée, a permis à Giap de préparer la guerre et éliminer dans le sang les rivaux politiques des communistes. Le temps n'est plus à la conciliation. Ho Chi Minh n'a pas pu s'entendre avec les Français sur les 2 sujets majeurs. L'indépendance et la réunification des 3 provinces, le Tonkin, la Nam et la Cochinchine, dans ce nouveau pays qui s'appellerait Vietnam et qui serait communiste, ce que les Français refusent obstinément. Haiphong, 23 novembre 1946. Le contrôle d'une junte dégénère. Des miliciens Viet Minh tirent sur les Français, faisant des morts. La marine riposte au canon, faisant plusieurs centaines de victimes. Ho Chi Minh adresse un appel à la lutte armée. Que celui qui a un fusil se serve de son fusil. Que celui qui a une épée se serve de son épée. Si on n'a pas d'épée, que l'on prenne des pioches et des bâtons. Que chacun mette toutes ses forces à combattre le colonialisme pour sauver la patrie. Alors c'est la grande insurrection d'Hanoï. Pendant plus d'une semaine, le Viet Minh se rue sur tous les symboles de la présence française, comme l'Institut Pasteur, l'un des plus grands centres de prévention des maladies tropicales en Asie, totalement dévasté. Le correspondant de guerre Lucien Bodard écrit « Les soldats français, assaillis de tous côtés, ont tenu des jours et des nuits dans un œil de cauchemar. Les Français découvraient dans les ruines des cadavres de femmes éventrées, percées de bambous. Ils devenaient enragés eux aussi. Personne ne faisait de quartier. La guerre d'Indochine vient de commencer. Dans cette année 1946, ce n'est pas seulement l'Indochine qui aggrave la tension entre les Soviétiques et les Occidentaux. Staline va aussi menacer les intérêts de la Grande-Bretagne. Les Britanniques protègent leur fameuse route des Indes, qui les mène aussi au pétrole d'Irak et d'Iran, dont l'Europe est de plus en plus dépendante. Mais les chars soviétiques pénètrent dans le nord de l'Iran, sous les acclamations organisées par le Parti communiste local. À l'ONU, les Britanniques soutiennent l'Iran, qui saisit le Conseil de sécurité. Churchill, qui n'est plus au pouvoir mais toujours influent, vient dire au président Truman que cette crise iranienne marque une nouvelle avancée de Staline. Nobody knows what Soviet Russia and its communist international organization intends to do in the immediate future, or what are the limits, if any, to their expansive and proselytizing tendencies. Truman s'engage résolument aux côtés des Britanniques et ils font reculer les Russes en Iran. À Moscou, au théâtre Bolchoï, Staline proclame « Une nouvelle guerre est inévitable et l'URSS a besoin de développer sa force pour lutter contre l'Occident. » Un diplomate américain en poste à Moscou, George Kennan, écrit « Staline se considère en guerre perpétuelle avec le capitalisme. » Truman répète aux journalistes « Les États-Unis n'ont aucune envie de faire la guerre contre qui que ce soit. » Mais il dit en privé « Le communisme est aussi dangereux que le nazisme et Staline est un ennemi aussi implacable qu'Hitler. » Les Américains expérimentent leurs armes nucléaires dans le Pacifique, sur l'atoll de Bikini. L'explosion de ces bombes atomiques dans ce décor paradisiaque donne l'idée à des créateurs de mode français de proposer une bombe anatomique, le plus petit maillot de bain de l'histoire, aussitôt appelé Bikini. Et aussitôt interdit sur les plages d'Europe. Le monde continue de tourner, malgré l'escalade de la peur. Deux personnes par jour qui perdent la vie sur leur lieu de travail. Enfin, on meurt deux fois plus au travail en France que dans les autres pays de l'Union européenne, en moyenne. Alors, pourquoi cette hécatombe? Pourquoi est-elle invisible? Qui sont ces travailleurs qui meurent à la tâche? Nous allons poser la question à un homme qui se donnait pour mission de recenser tous les cas, de montrer que derrière les chiffres, il y a une personne, un nom, une histoire. Mais justement, avant de l'accueillir, on vous raconte ce soir l'histoire d'un de ses salariés morts au travail. Pour ses politiques, Emmanuel Jenkins, Edouard Deswood et Loïc Saxé étaient en début de semaine à Bordeaux où se tenait le procès de l'employeur de Steven Jobert. Steven Jobert, c'est lui. Vous voyez ici en train de travailler il y a quelques années sur un chantier. Il était artisan couvreur. Il avait 27 ans quand il est mort, tombé sur un chantier en septembre 2020. Et lundi, devant le tribunal, il y avait du monde autour de sa famille. Un syndicaliste a pris la parole. Nous disons non. Non, la mort de Steven n'est pas la faute à pas de chance. Non, nous ne pouvons pas rien y faire. Non, nous n'acceptons pas que nos camarades, amis, collègues meurent sur les chantiers. L'accident de Steven sur ce chantier nous ramène au terrible constat des accidents de travail sur les chantiers du BTP. Nous demandons qu'il soit fait de la lutte des accidents du travail une grande cause nationale. Là, vous avez vu, moi j'ai un de mes collègues qui se fait écraser par l'escalier sur Toulouse, hein, tous touchés, qui quand on part travailler le matin, c'est pour revenir le soir. Hein. C'est pas, on n'est pas militaire, on n'est pas policier, on n'est pas pompier, quoi. On signe pas pour ça, quoi. On signe pas pour ça. Pour la sœur et la mère de Steven, jamais leurs frères et fils n'auraient dû mourir ce jour de septembre 2020. Quelle photo on prend? Ah si, j'en ai une. J'ai celle-là, que j'adore. Mon frère, c'était un passionné de moutons. Il a fait couvreur, après de faire zinger. Et voilà, ça c'est terminé, sa carrière c'est terminé. Mais sinon, oui, ça a toujours été... Il touche à tout. Il touche à tout, bricoleur, mécano. On a perdu notre pilier. Et vous, vous disiez que Steven était inquiet de... des normes de sécurité? Oui, il trouvait qu'il y avait un problème. Et il nous disait qu'il se sentait pas en sécurité. Mon frère, pour sa sécurité, il aurait dû avoir un filet. Si j'ai bien compris, le filet coûtait 120 euros. Non, c'était la ligne de vie qui coûtait 120 euros. La ligne de vie, donc 120 euros. Donc si j'ai bien compris, mon frère est décédé pour 120 euros. Nous, ce qu'on attend, c'est ça, c'est que la sanction soit exemplaire, pour que les entreprises qui voient ça se disent « Ah, bah, en fait, on peut pas faire ce qu'on veut. Ah, d'accord, ok, on est puni, en fait. » Alors, pour la famille de Steven, il y a, on l'a entendu, le besoin de justice, mais il y a aussi le besoin de se retrouver dans la peine avec d'autres familles qui ont connu de tels drames. Retour devant le tribunal de Bordeaux le jour du procès où un collectif a apporté son soutien à la famille de Steven. Ce collectif, il sert en fait à connaître toutes les premières démarches à faire quand il y a un accident. Voilà. À se soutenir entre nous. C'est tout récent, le collectif. Le collectif a sa gloire depuis mi-novembre, en fait. Enquête sur les morts au travail, il y a quelques semaines, qui est sortie il y a quelques semaines. On va revenir sur l'histoire de Steven Jobert. Ce qu'elle a de dramatique, mais ce qu'elle a aussi à vous lire de... C'est terrible, hein, mais malheureusement assez banal. D'abord, un mot sur vous, sur votre mission, parce que c'en est vraiment une. Depuis 7 ans, vous recensez les morts au travail en France. Le point de départ, ce sont ces mots d'Emmanuel Macron, alors ministre du Travail. On est en 2016. La réalité de la vie d'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui prend tous les risques, dont... Le travail ne s'arrête pas le soir, ni le week-end, parce que c'est sa vie. Cette phrase, beaucoup l'ont entendue à l'époque, elle avait choqué pas mal de monde, mais pourquoi elle résonne particulièrement en vous, au point de vous mettre à recenser tous les cas de mort au travail en France? Qu'est-ce qui se passe en vous à ce moment-là? Alors là, il manque un tout petit bout de la phrase, parce qu'il déclare aussi que l'entrepreneur, c'est celui qui peut tout perdre. Oui. Et moi, comme beaucoup de gens à l'époque, c'est vraiment le tout perdre qui m'a interloqué. Il y a grand chance que dans l'esprit d'Emmanuel Macron et dans le mien, à ce moment-là, tout perdre n'évoquait peut-être pas la même chose. Bien sûr. Mais en moi, enfin moi, pour moi, tout perdre au travail, c'était y perdre la vie. Et à ce moment-là, j'ai commencé à le prendre au mot. J'ai commencé à taper sur Internet accident du travail suite à la polémique qui avait eu lieu. Et comme n'importe qui, j'avais une idée de ce que j'allais trouver. Mais comme beaucoup de gens, finalement, je ne connaissais pas bien l'ampleur de ce dont j'allais me rendre compte au fur et à mesure des années. Et ça, tout le monde me le dit aujourd'hui, enfin toutes les personnes qui lisent mon livre ou qui suivent mon compte sont surpris qu'en France, aujourd'hui, alors tout à l'heure, il y a des chiffres qui étaient évoqués, on pourrait, il y en a beaucoup, voilà, il y a tout un tas de chiffres qu'on pourrait utiliser, mais qu'en effet, qu'il y ait autant de gens à mourir, que la France soit, en tout cas en 2019, le pays d'Europe où la mort au travail était la plus fréquente, c'est évidemment choquant, et pourtant d'ailleurs, on n'en a pas tellement entendu parler. On va y revenir à cette invisibilité que vous évoquez dans votre livre, mais vraiment, j'y reviens parce que beaucoup ont été choqués, mais pourquoi vous, vous dites, ça y est, je pars? Est-ce qu'il y a dans votre famille une histoire d'accident du travail? Est-ce que c'est quelque chose de personnel ou c'est vraiment purement un cri du cœur? On va dire que c'est le cri du cœur, donc en effet, j'ai pas de lien particulier avec les accidents du travail, ni dans ma famille, ni moi-même. Donc moi, je suis enseignant, je suis professeur d'histoire-géographie. Pas que ça n'existe pas dans l'éducation nationale, la pénibilité ou les accidents du travail, mais c'est pas... L'actualité récente a quand même montré qu'un prof d'histoire-géo pouvait entraîner la mort. En effet. Et donc c'est pas ça. Moi, c'est vraiment à ce moment-là, comme si ces mots avaient... Ils avaient résonné en moi et tout d'un coup, je m'étais... Alors, je sais pas si c'est une mission, mais en tout cas, c'était le début de quelque chose. Ça y ressemble, hein. Vous commencez à publier des noms et des visages en 2019 avec ces deux hommes. Michel Brahim, 68 ans, oui. Et Franck Page, 19 ans. Et c'est deux cas qui vous choquent particulièrement, en quoi? Donc là, on est en janvier 2019. Michel Brahim, donc il avait 68 ans, il était ouvrier auto-entrepreneur. Et il a fait une chute depuis le toit de la préfecture de Versailles le 3 janvier 2019. 15 jours plus tard, Franck Page, donc lui, il avait 19 ans, il était étudiant. Et il est, à ma connaissance en tout cas, le premier livreur de plateforme, il était livreur pour Uber Eats, à mourir dans le cadre d'une course. Et il est décédé à Pessac, en banlieue de Bordeaux, renversé par un camion. Et donc on avait coup sur coup, en l'espace de 15 jours, un homme qui aurait dû être à la retraite et qui mourait, un autre qui était étudiant et qui lui aussi mourait dans le cadre de son travail, tous les deux avec ce statut d'ailleurs d'auto-entrepreneur, qui fait que d'ailleurs cette année-là, aucun des deux n'est comptabilisé dans les morts au travail. Dans les chiffres qu'on utilise, puisque la plupart du temps, les chiffres qui sont utilisés sont ceux du régime général de l'assurance maladie. Donc ils sont minorés en plus, les chiffres terribles. Bah, c'est 19 millions de personnes. Ouais. Il y a 29-30 millions d'actifs, donc il y a 10 millions de personnes qui sortent des radars, et c'est la fonction publique, c'est le monde agricole, c'est les marins pêcheurs, c'est les auto-entrepreneurs. Steven Jobert, Michel Brahim, Franck Page, Mathieu Lépine, comment vous vous y prenez concrètement pour à la fois récupérer ces noms, ces histoires, glaner les informations afin de pouvoir raconter ces histoires? Alors ma méthode, elle est assez simple finalement. Je vais sur des moteurs de recherche et plusieurs fois par jour, j'ai tout un tas de mots-clés que je tape. Mmh. Évidemment, si quelqu'un venait aller regarder dans mon portable qu'est-ce que je tape sur ces moteurs de recherche, il me prendrait pour quelqu'un de très bizarre. C'est quoi, c'est mort au travail, accident mort, accident agricole, accident chute. J'ai des Google Alerts, ce genre de choses qui font que régulièrement, je suis alerté dès qu'un article évoque ces mots-là. Et ensuite, au fur et à mesure, lorsque mon compte a gagné un petit peu en audience, on va dire ça comme ça, des gens en fait se sont mis directement à m'envoyer des informations. Ça peut être des informations internes à une entreprise, ça peut être des collègues de travail et donc des familles. Les noms, c'est comme ça que je les récupère finalement, c'est parce que les familles me contactent. Elles, ce qu'elles me disent, c'est quand l'accident survient, elles se sentent démunies, elles se sentent seules. Et quand elles tapent accident du travail sur Internet, elles tombent sur ce que je fais. Et donc, du coup, elles me contactent et c'est comme ça derrière que j'ai ces noms et que je peux écrire parfois des portraits. Ouais. C'est pas trop dur psychologiquement, vous êtes professeur, vous n'avez pas de formation pour recueillir ces témoignages-là, d'être appelé par des familles de victimes aussi régulièrement qui vous racontent des histoires forcément terribles de... Alors c'est une question qu'on me pose souvent en effet. Voir ces familles me dire que je leur suis utile, que finalement grâce à ce que je vais pouvoir faire, grâce à l'aide que je vais pouvoir leur apporter, on va continuer de parler de leur fils, de leur frère, de leur père, parce que ce sont beaucoup des hommes, essentiellement des hommes qui meurent au travail. C'est ça en fait mon moteur. Et dès qu'une famille me contacte, je me dis mais en fait je peux pas les lâcher. Là, on m'a demandé de l'aide. Donc il faut que je vienne aider cette personne-là, à aider à mon humble échelle avec ce que je peux faire évidemment. Et ça prend le pas en fait sur tout le reste. Et vous publiez tout ça sur un compte Twitter. Oui, donc en janvier 2019, suite aux morts de Franck Page et de Michel Brahim, à la manière de ce que faisait David Dufresne les violences policières, il interpellait la place Beauvau. Moi, j'ai créé un compte Twitter et j'ai interpellé à l'époque Muriel Pénicaud, puis Elisabeth Borne, puis Olivier Dussopt aujourd'hui, donc les ministres du Travail. Alors, la grande question qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'on sait si peu cela? Pourquoi ce soir, des gens qui nous regardent se disent « mais il y a autant de gens qui meurent en France au travail ». Vous citez dans votre livre un tableau de l'artiste satirique Pavel Kochinski, où il y a un peintre qui tombe et les gens ne regardent pas le peintre qui est mort. Oh merde. Néanmoins, il m'a parlé parce que c'était exactement ce que j'essayais de dire. Ce que j'essayais de dire, c'était que on a sous nos yeux des centaines de personnes qui meurent chaque année au travail ou qui sont victimes de maladies professionnelles. Et finalement, personne ne le sait. Il y a une forme là de mépris aussi à l'égard, je pense, de ces victimes parce que ce sont essentiellement des ouvriers. Et social, vous voulez dire? Oui, oui. Ouais. Peut-être que si c'était d'autres catégories de métiers qui étaient concernées, on en entendrait peut-être davantage. D'ailleurs, on voit lorsque un gendarme est victime d'un accident dans le cadre de son travail, tout de suite, on va avoir sa photo, son histoire. Peut-être même qu'un ministre, et c'est le cas dernièrement d'Olivier Dussopt, se déplacera lors de ses obsèques, tandis que les autres, les ouvriers agricoles, ouvriers de la pêche, ouvriers du BTP, ouvriers de l'industrie, ils ont le droit à rien du tout. Sinon, une petite place dans la colonne des faits divers. Des faits divers dans la presse quotidienne régionale le plus souvent. Votre livre que j'ai dévoré, je trouve qu'il est en plus très juste hein, sur le plan du ton où vous interrogez, parce que bon, évidemment, la démarche elle est empathique par définition, mais il n'y a pas de pathos inutile. Enfin, c'est vraiment vous nous donnez les faits et vous nous laissez réfléchir avec ça. Mais bon, moi j'ai été très intéressée justement parce que je me pose la question du temps, vous voyez, de l'accélération justement des rythmes de travail, de l'intensification et vous n'analysez pas, c'est pas votre propos, les situations dans lesquelles les accidents surviennent, mais on voit bien les petites économies de filets de sécurité, et on peut dire, enfin, les économies de temps sont toujours aussi des économies d'argent, et là on voit ça comme ça, bien à l'horizon. Et puis il y a aussi cette question du mépris, hein, dont on parle beaucoup depuis quelques temps et là dont vous donnez l'exemple qui est bien cette façon de considérer les gens un peu comme des choses, hein, cette réification dans le monde du travail. Et là tous les exemples que vous donnez de la façon dont les morts sont maquillés c'était une faute professionnelle, la personne n'a pas fait ce qu'il fallait, etc., les espèces d'arguties juridiques et qui ont vraiment un mépris supplémentaire. On oublie que ce sont des gens, quoi, et des vies humaines. Alors justement, cette vie humaine, celle de Stephen Jobber, elle est dans votre livre. En quoi est-ce qu'elle est, je le disais, tristement ou malheureusement banale? C'est vrai que le reportage tout à l'heure, moi, c'est à la fois tristesse et colère. Tristesse face à la mort d'un homme, face à une famille qui est détruite, et colère parce que finalement, ce type d'accident-là, il survient tous les jours. Il y a des chutes dans le BTP et c'est le première cause d'accident du travail, quoi. Et donc on se dit que ces accidents pourraient être évités. Et ça empire, à vous dire. Si on reprend 15 ans en arrière, comme l'a fait Olivier Dussopt la dernière fois à l'Assemblée nationale, oui. Puisqu'on est à plus 40% de morts au travail, contrairement à ce qu'il a pu dire, puisque lui, il évoque une redoutable stabilité en invoquant des chiffres qui disent exactement l'inverse. Et l'histoire de Steven Joubert, c'est une chute dans le BTP pour, on a vu, un manque d'équipement individuel ou collectif. C'est aussi une famille qui, d'ailleurs, à l'époque, me contacte en me disant il est décédé, mais personne n'en a parlé. On a contacté la presse et ça n'a intéressé personne. Et ça, c'est pour les familles, c'est terrible. Ah bah oui. Ça fait partie du deuil aussi, de reconnaître, faire reconnaître et faire savoir cette histoire. Oui, complètement. Elles en ont besoin, elles se sentent complètement abandonnées. Il n'y a pas un mot, rien, même pas un message de qui que ce soit pour venir leur dire juste un peu d'empathie, quelque chose, rien. Et donc du coup, lorsqu'elles trouvent à un moment, en l'occurrence là c'est moi, quelqu'un qui, sinon leur tend la main, en tout cas prend la main tendue, du coup ça leur fait du bien. Votre livre... Allez-y, place aux invités. Je pense que ça interroge aussi au-delà du fait de recenser, parce qu'effectivement il y a une sous-déclaration des accidents, des actions du travail, ne serait-ce que c'est parce que c'est l'employeur qui doit dans un délai de 48 heures déclarer l'accident du travail, et que souvent, parce qu'il y a des problématiques de cotisation sociale qui se posent derrière, les accidents ne sont pas toujours déclarés. Mais ça interroge aussi largement sur les mesures à prendre pour prévenir ces accidents du travail. Et justement, ça rappelle aussi que quand Emmanuel Macron arrive au pouvoir en 2017, les fameuses ordonnances Macron ont fait disparaître les CHSCT, donc les comités d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail, qui ont justement pour but de prévenir les accidents du travail, de pouvoir améliorer les choses au sein des entreprises. Donc il n'y a pas seulement, au-delà du travail de recension qui est extrêmement important, il y a des mesures à prendre pour faire en sorte que ça n'arrive pas. Et il y a des gens qui échappent aux recensions qu'il y a. Oui, parce qu'il y a les morts au travail et il y a les morts du travail. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire ce livre qui est sorti cette semaine, il y a quelques jours, Mort avant la retraite, 12 journalistes qui racontent 12 histoires de travailleurs qui sont morts, alors pas d'accident du travail, mais d'épuisement, de maladies professionnelles, et qui sont passés à travers les radars, qui souvent n'ont pas fait l'objet d'articles ni dans la presse nationale, ni dans la presse quotidienne régionale, rien dans Ouest-France, rien dans le Télégramme. Qu'est-ce que ça raconte et surtout, comment est-ce qu'on les recense, ces morts, à cause du travail, ces morts invisibles ? Alors, j'ai pas lu ce livre, mais évidemment, c'est un peu comme les maladies professionnelles. C'est-à-dire, c'est très compliqué d'aller les recenser, d'aller les... J'évoque dans le livre d'autres accidents, par exemple, les accidents dans le secteur des services à la personne ou dans le secteur de la santé, où une infirmière va se blesser, etc. Et il n'y aura pas un article non plus qui en parlera. Donc, on voit qu'il y a des invisibles parmi les invisibles. Et... au-delà de ça, moi, tous les accidents que je recense, il faut quand même bien se rendre compte que les articles que je vais avoir à lire, parfois j'ai le droit à un homme est décédé sur son lieu de travail. Sans son prénom. On aura plus de chances d'avoir le prénom de la personne, du pompier qui commandait ce jour-là, ou du policier qui est intervenu, sincèrement, que de la victime. D'accord. On rappellera que cette semaine, le gouvernement s'est réuni sur le chantier de Paris 2024 et du Grand Paris, pour en faire quand même une cause importante. On verra, on espère que les choses s'améliorent évidemment et que vous aurez moins de noms à recenser désormais. Le nom de votre compte Twitter, c'est ? Accident du travail, silence des ouvriers meurt. Ça, c'est clair. Merci Mathieu Lépine. Merci votre livre, L'hécatombe invisible, est à lire au seuil. Hélène Leuillet, Antoine Brissier, je vous propose maintenant de vous intéresser. matin une petite revue de presse. Vous y tenez ? Oh, pas tant que ça, puisque vous écoutez la radio. Vous écoutez Radio Guimauzo au lieu de lire la presse. Hein ? Ah, l'un n'empêche pas l'autre. Ben oui, la preuve, c'est que je lis le Vosges Matin du vendredi 26 mai 2023. Hein ? Ah ben oui. Santé, hausse des infections contractées à l'hôpital. Un patient sur 18 contracte une maladie nosocomiale à l'hôpital, selon une étude de Santé publique France, publiée ce vendredi, une hausse de 14,7% depuis 2017. Une hausse de 14,7% depuis 2017. Entre 2017 et 2022, les malades du Covid représentent la moitié des infections nosocomiales. Ah, bon, et les vaccins, ils servent à quoi ? Et l'hôpital, il sert à quoi ? Et la médecine, elle sert à quoi ? La retraite par capitalisation rencontre un franc succès. Franc, F-R-A-N-C. Ah, c'est une vieille monnaie, ça, le franc. Hein ? La retraite par capitalisation. Les futurs retraités sont des capitalistes. Eh ben oui. La retraite par capitalisation. Donc, peut-être que je mélange un peu les choses. Hein. Oui, quand on devient vieux, les idées se mélangent un peu la tête. Le PER est un produit tunnel qui s'envisage sur le long terme. Les versements sont libres, mais pas récupérables avant l'âge de la retraite, sauf cas exceptionnels comme l'achat d'une résidence principale ou des accidents de la vie bien définis. Invalidité, surendettement, expiration des droits d'assurance chômage. À l'heure de la retraite, deux options sont possibles, une sortie à capital ou une sortie étalée dans le temps en rente. La gestion des PER est en grande majorité délégué aux assureurs, reflet des nouvelles attentes des Français, entre guillemets. Selon le directeur général de France Assureur, Franck Levallois, le PER a aussi bénéficié des inquiétudes autour du système de retraite. La chasse à la glu définitivement abrogée. Remiremont. Elle porte plainte après avoir accouché à la maternité de l'hôpital. Le 5 novembre, Camille Gilles accouche à la maternité de Remiremont. 7 semaines plus tard, dans le sud de la France, elle fera une hémorragie interne et sera sauvée par les urgences d'Avignon, car du placenta était resté dans son corps. Elle a porté plainte contre l'hôpital de Remiremont. Et oui, voilà. L'autoconsommation, collective en photovoltaïque expliqué. Mardi soir, à l'initiative de Marilina Vantini, maire de Villers, Jean Vaubourg, maire de Bouxurul, est venu présenter un projet d'autoconsommation collective. Ce projet n'est encore que dans la phase de préétude. Pour l'heure, une soixantaine de foyers sont intéressés par l'idée et engagés financièrement. Ils ont réuni une somme qui va permettre de financer l'étude de faisabilité et de rentabilité. Et oui, on met des panneaux solaires sur les toits des maisons de différents voisins et on s'auto-alimente en électricité. Ce que l'un ne consomme pas un jour, ça peut être un voisin et inversement, et réciproquement. Et tout ça, ça fait baisser le prix de revient et ça permet qu'un jour, on pourra se passer des centrales nucléaires et du pétrole, etc. Bon. Un homicide est l'action de tuer un autre être humain, qu'elle soit volontaire ou non. Lorsque l'acte est intentionnel, il est généralement qualifié de meurtre et d'assassinat s'il est de plus prémédité. Dans la majorité des sociétés, quelle qu'en soit la raison, l'homicide est considéré comme l'un des crimes les plus graves pouvant être commis. Selon les pays, les lois distinguent les homicides en catégories de différentes gravités. Souvent, la présence d'intention et de préméditation. Le fleuve Nièpre, un enjeu stratégique. La destruction du barrage de Kakhova, mardi, modifie incontestablement les plans de bataille sur le front russo-ukrainien. De son côté, Kiev minimise. Qu'y a-t-il derrière cette histoire ? Encore quelque chose de très, très, très, très moche. Plus moche, certainement, que ce qu'on imagine. Croix gammée géante sur le toit. Un policier écope d'une amende. Alors ça, c'était le 8-7-2021. Croix gammée géante sur le toit, un policier écope d'une amende. À Belfort, hein, pas dans les Vosges. Attaque politique, attaque au couteau, un drame qui croise le débat sur l'immigration. Le suspect de l'attaque est un étranger, demandeur d'asile en situation régulière. Ce drame intervient en plein débat sur la future loi immigration. Alors c'était le 9 juin 2023. Alors autre chose, ça a pris dans des différentes choses. 7 millions de chômeurs. 7 millions de chômeurs. Cela a commencé il y a 50 ans. 7 multiplié par 50 divisé par 2 égale 350 divisé par 2 égale 175 millions d'années de vie gâchées. 175 millions d'années de vie gâchées. 175 millions d'années de vie gâchées. Pour 175 qui se sont enrichis, à peu près, hein. Chacun a 1 million d'années de vie gâchée sur la conscience. Si 50 années de vie gâchée par personne, chacun de ces riches a gâché la vie de 20 000 personnes, de 20 000 humains. Que dit le code pénal? Que dit le code pénal? Le chômage est un malheur qui peut en entraîner d'autres. Les 6 millions de chômeurs en Allemagne ont amené les électeurs allemands à voter pour Hitler en 1933. Le nazisme a apporté au monde la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire 60 millions de morts. Voilà. Alors ceux qui entretiennent, fabriquent, favorisent le chômage sont des criminels de la pire espèce. De la pire espèce. Il faudra qu'un jour on fasse justice. Castaner, Xavier Bertrand a été le ministre du chômage. Alors là, c'est un vieux journal, ça, hein, jeudi 8 juillet 2021. Bon, faut le faire payer, hein. Et puis les autres aussi. Eh oui, il faut les juger, les condamner et exécuter la peine. Eh oui, ben oui. Sinon, on est quoi? On est complice, si on est complice du coupable. Si on ne laisse rien faire, si on n'est pas syndiqué, si on ne milite pas, si on ne réagit pas, si on vote bêtement, hein? Si on vote comme des mollusques, eh ben voilà, eh ben on est responsable. Comme les Allemands ont été responsables de l'arrivée d'Hitler au pouvoir et de la Deuxième Guerre mondiale et des 60 millions de morts qui en ont suivi. 899, c'est le nombre de migrants morts noyés ou portés disparus en Méditerranée depuis le début de l'année. 40% de plus qu'en 2020 à la même période. Les ONG affirment que leurs missions de sauvetage sont entravées par les États européens. Ouais, quand on parle de crime d'État. Hein, Il y en a des exemples depuis 2000 ans. Mais alors, ces dernières années, ça va encore en accélérant. Alexis Corbière sur LCI. Macron est un lâche. Ces mots m'appartiennent. Double point d'exclamation. J'ai bien fait de ne pas louper cet entretien sur l'une des chaînes les plus macronisées, de la télévision privée. Est-ce que Radio Guémozo est une radio macronisée? Ça serait étonnant quand même qu'on découvre une chose comme ça. Au bout de 42 ans de militantisme, hein? En effet, notre députée insoumise n'y est pas allée de main morte. Pour le député LFI, Macron est un président autoritaire et incohérent qui banalise le RN. Ah, le parti héritier de Pétain, de l'OAS et de quelques cathos intégristes. Sur la retraite à 64 ans, si Macron avait du courage, il proposerait un référendum sur la réforme des retraites, car le souverain, c'est le peuple. Le souverain, c'est le peuple. Mais c'est un lâche, ces mots m'appartiennent, je les revendique. Celui qui doit partir, c'est Macron, pas Borne. Pour empêcher le vote des députés sur la retraite à 64 ans, Macron a mis la pression sur la présidente de l'Assemblée nationale, afin qu'elle active l'article 40. Il nous avait annoncé 100 jours d'apaisement, mais c'est 100 jours d'abaissement. Passer à la 6e République. Légalement, cette constitution, la 5e République, permet de piétiner le peuple. Il faut en changer. Nous avons besoin de la 6e République. Il est nécessaire de demander son opinion au peuple entre deux rendez-vous électoraux. Il faut prendre le risque de vivre en démocratie. Manifestons le 6, votons le 8. On va voir la présidente de l'Assemblée osera... Oui, de l'Assemblée osera interdire le vote des représentants du peuple. Mon commentaire exaspéré. Il paraît que tous les sondages d'opinion donnent le RN grand vainqueur. De la colère populaire, comme si ce parti n'a rien fait contre la réforme pourrie et se tient bien tranquille à l'Assemblée en attendant son sucre de l'impériqué de l'Élysée. Garantissez l'avenir radieux et les lendemains qui chantent. Faut-il que l'histoire bégaye et que la leçon, pour que la leçon soit enfin retenue? Oui, la Première Guerre mondiale a fait 8 millions de morts, la deuxième 60 millions. Et la troisième, elle fera combien de morts? Hein? La troisième, parce que c'est ça qu'ils sont en train de nous préparer, les saloperies de pourriture de gens qui gouvernent le monde actuellement. J'ai vu qu'un ou deux syndicats avaient fait un appel à la grève. Je le dis, vient un temps où ces personnes-là n'auront plus le droit de grève. Signé Olivier Véran. Eh oui. C'est un docteur de la démocratie. Thomas Porte, selon une enquête du Canard enchaîné, le nombre de lits de réanimation en Île-de-France aurait passé de 2500 en mars 2020 à 1700 aujourd'hui. Donc, en pleine pandémie, la Macronie aurait supprimé 800 lits de réanimation. Si cela se vérifie, c'est un véritable scandale politique. Alors, il y a là quelqu'un qui a ajouté au crayon, crime, point d'interrogation. Que dit le code pénal ? Point d'interrogation. Moi, je n'oublie pas l'histoire et ce bel anniversaire. Le 6 août 1946. Le 6 août 1946, il n'avait fallu que 3 mois au peuple français, essentiellement des militants CGT, pour bâtir le grand chantier de la sécurité sociale. Ambroise Croizat, maître d'œuvre, inaugurait ainsi dans un pays pourtant ruiné la fin de l'obsession de la misère et le début d'une ère de dignité en ces mots prononcés à l'Assemblée nationale. Deux points, ouvrons les guillemets. C'est Ambroise Croizat qui parle. La sécurité sociale, née de la terrible épreuve que nous venons de traverser, appartient et doit appartenir à tous les Français et à toutes les Françaises. La France à moi, c'est celle de 1789. Une France qui se lève, celle qui conteste, qui refuse. La France qui proteste, qui veut savoir, c'est la France joyeuse, curieuse et érudite. La France de Molière, qui tend, se bâtit contre l'hypocrisie. Celle de La Fontaine, celle de Stendhal, de Balzac, celle de Jaurès. Celle de Victor Hugo et de Jules Vallès. La France de l'invention des chercheurs, celle de Pasteur, celle de Denis Papin et de Pierre et Marie Curie. La France des lettres, celle de Chateaubriand, de Montaigne, la France de la poésie, celle de Musset, d'Éluard, de Baudelaire, de Verlaine, et celle d'Aimé Césaire. La France qui combat tous les totalitarismes, tous les racismes, tous les intégrismes, l'obscurantisme et tout manichéisme. La France qui aime les mots doux, les mots d'amour et aussi la liberté de dire des gros mots. La France qui n'en finira jamais de détester le mot soumission et de choyer le mot révolte. Qui a écrit ce texte? Eh bien, on peut être fier de lui, c'est Pierre Perret. Un homme, Pierre Perret. Un humain, Pierre Perret. Un artiste, Pierre Perret. Un citoyen. Un ouvrier ferroviaire est décédé sur le chantier SNCF de Massy, dans l'Essonne, ce dimanche 25 juillet, à la suite d'un accident du travail. Valérie Pécresse, Jean-Baptiste Djebari et une grande majorité des médias ont préféré insister sur les retards engendrés par ce décès. Les mauvaises conditions de travail tuent un travailleur dans le monde toutes les 11 secondes. Toutes les 11 secondes. En France, 500 personnes meurent chaque année d'un accident du travail. Mais la vie d'un ouvrier semble moins importante que celle d'un policier ou que les retards pour les voyageurs. Ubuesque. Laetitia Avia, chargée d'un rapport au Parlement en 2017 sur le harcèlement, remis en 2018 au Premier ministre, vient de se voir requérir le 1er juin 2023 par le procureur de la République d'une peine d'un an de prison avec sursis, de 5 ans d'inéligibilité et d'une amende de 10 000 euros pour fait de harcèlement de 2017 à 2020. Elle est députée de la 8e circonscription de Paris du groupe qui s'appelle La République En Marche. Le plein de polémique vers le plein emploi, jeudi 8 juin 2023. Le projet de loi pour plein emploi présenté mercredi au Conseil des ministres est au cœur de la politique d'Emmanuel Macron et annonce bien des querelles. Quel gouvernement aurait osé, il y a encore quelques années, présenter un projet de loi pour le plein emploi? Point d'interrogation. Alors, il y en a qui a ajouté au-dessus Hartung 1923-2023. Schweinerei. Ben oui, on cause anglais sur les radios libres, hein, sur les radios locales. On cause en anglais. Eh ben oui, naturlich. Le TGV Paris-Berlin sème la discorde entre l'Alsace et la Moselle. Oh, yo, okay, c'est gênant, ça, hein. Europar House. Ils doivent dire là-bas. Ou ce qui cause leur patois à eux. La semaine de 4 jours, un essai a transformé le passage de 5 à 4 jours de travail par semaine sans perte de salaire favorise le bien-être des salariés et leur productivité, selon ses partisans. La semaine de 4 jours a déjà été appliquée par plus de 400 entreprises en France, représentant environ 10 000 salariés. 4 jours, 32 heures. Voilà. Eh oui, bon, y a là, comme dirait Pierre Lahoutourou, il y a un certain nombre d'entreprises qui font ça. Et elles s'en portent très bien. Douglas Kennedy, l'Amérique, c'est deux partis qui se détestent. Quand j'étais jeune, nous n'étions pas parfaits, mais nous nous disions qu'être américain était une chance. Ce n'est plus vraiment le cas aujourd'hui. L'ombre du fascisme plane partout aujourd'hui. Si nous ne sommes pas prudents, le précipice n'est pas loin. Alors, tiens, pour finir, la première page du petit livret qui a pour titre « Conseil national de la résistance ». Alors, président d'honneur, M. Georges Beydeau, ministre des Affaires étrangères, président M. Louis Saillant, secrétaire de la CGT, membre Emmanuel Dastier de la Vigerie, Libération Zone Sud, Paul Bastide, Parti Radical et Radical Socialiste, Maxime Bloch-Marcard, Organisation Civile et Militaire, OCM, André Collin, démocrate chrétien, Jacques Debus-Bridel, Fédération Républicaine et Républicains Nationaux, colonel FFI Marcel de Guillam, combat, Benoît Frachon, Confédération Générale du Travail, Auguste Gillot, Parti Communiste, Joseph Laniel, Alliance Démocratique, Jacques Lecomte-Boinet, Ceux de la Résistance, Jean-Pierre Lévy, Franc-Tireur, Daniel Maillère, Parti Socialiste, André Mutter, Ceux de la Libération, Henri Ribière, Libération Zone Nord, Gaston Tissier, Confédération Française des Travailleurs Chrétiens, Pierre Villon, Secrétaire Général, M. Pierre Meunier, Secrétaire Général Adjoint, M. Robert Chamberon.